Lullaby of Berlin, that's what I always hear when you say, never in my world, and could that be ways to reveal in a phrase how I feel? Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And that a weepy old willow, he really knows how to cry. That's so I cry in my pillow, if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of Berlin, whisper low, kiss me sweet, and we'll go flying high in Berlin, high in the sky up above, oh, because we're in love. Lullaby, lullaby. Les mains dans la terre. Se nourrir. Un mot qui se lit en différentes strates. Il y a ce que tu portes goulûment ou délicatement à ta bouche. Ce qui tient à la fois du goût et d'une nécessité vitale. Puis il y a ce qui nourrit sans l'intermédiaire des sucs digestifs. L'organique se mariant en sensible. La plante, pomme, simple, courge. Apprendre à savoir en faire usage, à la reconnaître. Ne la traiter ni en étrangère, ni en être sacré, intouchable et figé. L'effleurer, la sentir ou la prendre à bras le corps, savoir la transformer aussi. En somme, qu'un lien se tisse, que l'objet disparaisse pour laisser place au rapport complexe et dense d'une rencontre. Défait de l'idée contemporaine de purifier à l'infini nos corps malades de la société industrielle, nous nous sommes saisis des pratiques liées aux plantes. Nous cherchons à y gagner en autonomie et à nous remplir d'histoires qui nous tiennent vivants. Ces histoires se composent à plusieurs, dans un commun qui ne se veut pas homogénéisation des êtres, mais création de mondes dans lesquels se vivent tensions et conflits, rencontres et transmissions. Cela amplifié d'une volonté inébranlable de penser des chemins possibles, des voies au travers du monde dont nous sommes issus. Au départ, les raisons qui me donnent envie de produire de la bouffe sont assez simples. S'autonomiser un minimum, ne pas toujours dépendre du supermarché, goûter au plaisir de cultiver et de produire, combiné à celui de cuisiner et de bien bouffer. Produire des légumes en grosse quantité, ça apporte le luxe d'avoir toujours plein de denrées et d'en faire ce que tu veux. Bien bouffer, se faire de gros repas, en donner à tous les potes, à un groupe qui va tenir une cantine collective durant un rassemblement comme celui de Valogne, pour un repas de soutien. Mais pour moi, ces deux projets de fermes occupées ont surtout existé du fait d'un contexte de lutte. Débarquer à la ZAD et lancer une ferme, c'était une stratégie pour renforcer les liens entre les occupants et occupantes et les autres composantes de la lutte sur le terrain. Se réapproprier une terre en friche, la remettre en culture, produire des légumes, pose la problématique de l'accès à la terre, du bétonnage. Autant de thèmes autour desquels les paysans pouvaient échanger avec les jeunes occupants. Les marchés, lancés 2 mois après le jour de l'occupation, étaient pensés comme des espaces de rencontre. Dans les 6 mois qui ont suivi le début du sabot, il y avait quelque chose de beaucoup plus clair pour s'organiser ensemble. Et ça a sûrement joué quand est venu le temps des expulsions. Moi, ça me plaît de passer du temps dans les projets et de les penser aussi au-delà de l'agriculture. Je l'assume. J'ai du mal à croire que dans un monde idéal, tout le monde fasse tout. On passerait son temps à survivre, à bricoler. Certains aiment faire du pain, des serveurs informatiques autogérés, de la bière, et s'organisent également collectivement pour produire, partager les surplus, le temps investi. C'est très caricatural tout ça, mais c'est un peu mon imaginaire. On commence par la réappropriation de certaines productions par différents groupes sur un territoire jusqu'à remettre sérieusement en cause nos indépendances aux productions capitalistes. Pour avoir vu depuis l'intérieur la transformation des recherches de l'INRA vers plus d'agroécologie et ce que ça implique en termes de restructuration économique, je crois que j'ai surtout envie de déconstruire leur discours, plus que de chercher à construire un discours sur l'écologie. Par rapport à nos pratiques, ça me paraît évident que je ne me verrai pas avec un pulvérisateur et un masque à gaz en train de mettre je ne sais quoi sur des tomates. On fait du maraîchage bio non labellisé. Est-ce qu'on fait des légumes bio parce qu'on veut faire de l'écologie ? Moi non. Tant qu'à constituer une zone de maraîchage, autant ne pas faire n'importe quoi. Mais le bio, ce n'est pas l'ultime leitmotiv. Ça m'intéresse davantage de dire que j'aspire à entretenir la fertilité d'un sol, sa vie, à garantir une certaine autonomie des moyens de production. C'est une base pour une non-dépendance au parcours fléché agro-industriel. Après, le choix des pratiques agricoles alternatives à la chimie dépend de tout un contexte. Les objectifs fixés en termes de production, les choix politiques, les choix collectifs d'organisation, le rapport à la nature, à la technique, au temps. Dans ma manière de faire, j'ai surtout envie d'éviter l'écueil du dogmatisme, autant celui de l'industrie que celui de la permaculture, par exemple. Je ne veux pas considérer les pratiques agricoles indépendamment du contexte qui y conduit. En ce qui nous concerne, celui d'un groupe qui veut sortir du schéma socio-économique capitaliste. Une pratique ne dépend pas de ce qui est idéal, mais jongle avec un tas de paramètres. Il faut définir les moyens de production à mettre en œuvre à partir de là où tu te trouves et les questionner en permanence. Bon, bah, du coup, alors, après, je sais pas trop ce que Antoine vous a dit sur la visite de ce matin. Bon, déjà, là, merci parce que le tas de terreau, vous l'avez bien cassé la gueule. Et ça fait plaisir. On adore casser la gueule. Alors, après, il y a un truc, bon, j'y ai pensé quand on est passé devant les brebis, etc. Alors, effectivement, on a des animaux qui sont là pour aussi montrer qu'on est une ferme et que quand on reçoit du public, c'est intéressant. Et puis, il y a certains publics où le biais des animaux facilite la communication et c'est intéressant. Mais dans l'absolu, quand on fait du bio, et en particulier en ville où on n'a pas d'autres fermes à côté, on ne peut faire que la polyculture élevage. On a besoin d'animaux pour faire pousser des légumes. Et les animaux de base, il y en a trois, c'est les brebis, les poules et les abeilles. Les abeilles, elles vont polliniser. Et quand on plante des légumes, s'il n'y a pas d'abeilles, ça ne marche pas. Et s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas le reste non plus. C'est-à-dire que par exemple, les tomates, ce n'est pas pollinisé par les abeilles. C'est les bourdons qui vont polliniser les tomates. Sauf les tomates cerises qui ont des petites fleurs où l'abdomen des abeilles dans les tomates, il est trop gros. Donc ça ne marche pas pour le pollen. Il faut les bourdons. Mais les bourdons, c'est des gros feignants. Ils vont pas se balader à chercher des tomates. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent « Ah putain, là, il y a des abeilles !» Ça veut dire qu'il y a des trucs pour nous. Et les papillons aussi, et tous les pollinisateurs viennent quand il y a des abeilles, parce que les abeilles, elles sont MEDEF, les abeilles. Elles bossent, pas de syndicat, elles y vont tous les jours. Mais du coup, les abeilles pour la pollinisation, c'est important, pour la biodiversité, ça fait venir d'autres insectes, et c'est important. Après, les brebis, ça mange quasiment tout, ça nettoie la terre, c'est pas trop lourd, donc ça la tasse pas, la terre, elle est utilisable après. Et pour résumer, ce qu'on peut dire, c'est on prend un terrain, on le nettoie un peu, dessus, on met des brebis qui vont tout manger, elles vont chier partout, et... il va repousser de l'herbe de façon homogène. Dessus, on met les poules avec un peu de fumier. Elles vont gratter, elles vont chasser les vers, elles vont tourner la terre sur une toute petite épaisseur qui suffit pour faire prendre un système racinaire dans les graines. On n'a pas besoin de faire des tracteurs qui vont labourer à 50 cm où la terre, de toute façon, elle ne voit jamais le jour et ça n'a pas d'intérêt de la mettre en surface. Et donc, on fait ça, on met les brebis, après on fait passer les poules et ensuite on cultive. Et chaque année, on décale et on fait tourner. Et le principe de la polyculture élevage, c'est ça. Et c'est ça aussi qui a permis la sédentarisation des civilisations et qui a permis la création des intermittents du spectacle par la suite. Un arbre est un arbre. Il fait de l'ombre, cache la vue ou, pour certains, permet de se réchauffer. Une plante à fleurs est une plante à fleurs. On pourra en faire un bouquet ou en décorer son balcon, mais qui sait encore que c'est à partir de l'écorce de sol que l'on prépare l'aspirine, que les pissenlits et les épinards sauvages sont délicieux en salade, que la myrtille soigne les vaisseaux oculaires, ou encore qu'une teinture mère de plantain, cette mauvaise herbe parmi d'autres, soigne le rhume des foins. Et quand bien même on le saurait, bien peu apprennent à guetter dans les friches et les bas-côtés ce qu'ils peuvent acheter au supermarché bio ou à la parapharmacie du coin. Quant aux diplômés de la médecine et de la pharmacologie conventionnelle, la plupart se contentent de distribuer sans autre considération les molécules pour lesquelles les labos ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Passe-partout de leur commercialisation, qui sera peut-être révoquée si un scandale vient mettre au devant de la scène les effets collatéraux inattendus. Contre cette dépossession organisée, un des premiers gestes pourrait consister à retrouver, à coup d'expérience, d'actualisation et de transmission de savoirs étouffés, souvent millénaires, une pharmacologie profane qui rend aux éléments végétaux une partie de leur puissance de soin et de leur essence propre. Mais cueillir, préparer, reconnaître les plantes n'ouvre pas seulement sur les pratiques ou des connaissances à compiler. Cela ouvre des mondes au sein desquels les rhizomes ne sont plus seulement végétaux, les herbes ne sont plus jamais mauvaises et où partout l'ensauvagement guette. Étancher la soif, sédum, pimprenelle, cresson, mâchonner, calamant, fleur de trèfle, renifler, violette, cracher, chicorée trop amère. Toujours encore s'approprier, tout utiliser des différentes voies d'exploration qui sont les nôtres, puis ramener à la main. Et quand la cueilleuse, à la fin, profondément imprégnée de l'odeur et des sucs de la plante cueillie, caressée par les fleurs, blessée du tranchant de la feuille et scarifiée par les épines, rentre chez elle subtilement différente, il serait évident pour des esprits moins rationnels que les plantes l'ont-elles aussi palpée, humée, goûtée, capturée. Ainsi, la cueillette amène à se fréquenter de si près, entre créatures, que s'opère une sorte de friction des identités. Et tandis qu'on est saisi de se découvrir étrangement le même, on souhaite avancer plus loin dans la forêt de l'indéterminé. Eva, on improvise une petite interview à propos de ce que tu as fait à la ferme urbaine pendant les deux jours. T'as donc cueilli des violettes pour en faire des petites recettes différentes. Est-ce que tu pourrais nous décrire la première recette qui a consisté, je crois, à faire un sucre, en fait, une liqueur de violettes ? J'ai cueilli les violettes à la ferme. Je les ai ramenées et je les ai écrasées avec du jus de citron et de l'eau. Et ensuite, je les ai laissés macérer pendant environ 24 heures. Puis j'ai filtré les fleurs du jus pour récolter le jus que j'ai pesé. J'y ai mis la même quantité de sucre, le même poids de sucre que de jus. Et puis je les ai mis à cuire à petit bouillon, pour que le sucre fonde et que ça devienne un sirop. Qu'on peut goûter, là sur le bord. D'accord, oui. On invitera les autres à venir le goûter. Et est-ce qu'il y a un dosage important ? Il faut 400 fleurs pour 75 centilitres de sirop, je crois. D'accord. Et pour chaque verre, par exemple ? Pour chaque verre, il faut 3 petites cuillères à café. D'accord. Ok. Pour le gobelet qu'on a là, quoi. Ouais, pour le gobelet, qu'on a là. D'accord. Et à côté de ça, j'ai fait des gelées d'agar-agar qui sont accrochées au mur et qui sont entre le sirop, qui ne sont pas comestibles. À l'intérieur de ces gelées, c'est les fleurs que j'ai filtrées pour faire le sirop, qui sont à l'intérieur. Voilà. Ça ne vend pas. Ça ne dure pas. Rien dire. Ça ne se traduit pas bien. Ça ne vous rend pas riche. Ça ne vous tient pas chaud la nuit. Ça ne danse pas assez. Ça ne fait pas danser ceux qui ne dansent pas. Ça ne fait pas circuler le produit, ça ne guérit pas le cancer, ça ne guérit pas le sida. Ça n'arrête pas le réchauffement climatique. Ça ne recycle pas. Ça ne met pas en cause les présidents, ça ne stoppe pas la guerre, ça ne donne pas des abris aux réfugiés, ça ne donne pas de visa. Ça ne réunit pas votre famille. Ça ne se remarque pas. Ça ne permet pas de s'envoyer en l'air. Ça ne fait pas revenir l'autre. L'autre ne reviendra jamais. Ça ne vous permet pas de vous marier. Ça ne tient pas la route à côté des films. Ça ne tient pas la route à côté de la musique. Ça n'ouvre pas de galerie. Ça ne plaît pas à vos parents. Ça n'a pas de sens d'aller dans le supérieur pour ça. Ça ne change rien si on va dans le supérieur pour ça. Ça ne paye pas le loyer. Ça ne permet pas d'acheter une maison. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ça n'est pas nécessaire, difficile pour être bien. Ça ne vous dit pas que c'est bien. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Dis. Dis ce que tu veux. Mais ne joue pas avec mon affect. Ça n'obtient pas le siège côté fenêtre. Ça ne donne pas de carte de métro. Ça ne fait pas disparaître vos rides. Ça ne fait pas disparaître votre acné. Ça ne résout pas le problème de peau mixte. Ça ne met pas de côté, ça ne fait pas briller vos chaussures, ça ne lèche pas vos bottes, ça ne fait pas briller vos chaussures. Ça n'est pas bien écrit, ça ne se souvient pas de soi. Ça n'est pas donné, ça n'arrive nulle part. Ça ne dit pas « je vous aime ». Ça ne dure pas longtemps. Ça ne se termine pas assez tôt, ça n'arrête pas de faire mal. Ça ne vieillit pas bien. Ça ne me permet pas de dire « je suis désolé ». Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Dis. Dis ce que tu veux, mais ne joue pas avec mon affect. Ça ne stoppe pas un génocide, ça ne fait pas remonter le niveau de l'eau, ça ne donne pas une assurance maladie, ça ne stoppe pas la corruption, ça n'arrête pas les dictateurs, ça ne reconstitue pas le pouvoir de la Constitution, mes problèmes, ma météo, mes histoires, mon quartier, mes nouvelles. Ça ne punit pas George Bush pour ses crimes de guerre, ça ne fait pas revenir les soldats, ça ne sépare pas l'Église de l'État, ça n'arrête pas les émeutes, ça ne déclenche pas les émeutes. Ça n'a pas de sponsor, ça n'a pas d'espace juste, ça n'a pas de financement adéquat, ça n'a pas le bon public, ça n'a pas le bon théâtre, ça ne rejoint pas la bonne réponse, ça n'envoie pas de courrier électronique, ça ne remplit pas les stades, ça a l'air stupide sur YouTube, ça ne vend pas de magazines, ça ne rapporte pas des millions, ça ne fait pas de café, ça ne parle pas aux gens, ça n'intègre pas les pauvres. Ça ne met pas fin à l'héritage de l'esclavage, ça ne met pas fin à l'héritage du colonialisme. Ça ne sauve pas les natifs américains, ça n'arrête pas les fusillades. Ça ne sauve pas les baleines. Ça ne loge pas les sans-abri, ça n'arrête pas les viols. Ça n'arrête pas les violences domestiques, ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas bien sur un mur. Ça ne se photographie pas bien. Ça ne garde pas les cheveux en place. Ça ne reconstruit pas l'Irak, ça ne fait pas le déjeuner, ça n'a pas de carte de visite, ça ne vend pas d'action. Ça ne tient pas dans votre iPhone. Ça n'a pas de chance. Ça n'aime pas les définitions. Ça n'empêche pas de se moquer des autres. Je ne paye pas pour vos vols. Ça n'a pas l'air normal. Ça n'empêche pas de venir. Ça n'empêche pas de venir. Ça n'empêche pas de venir. Ça n'empêche pas de venir. Poème de terre. Plan sur les mains, qui déplace la terre. Plan sur les pieds, qui façonne des buts. plan large, sur la bâche qu'on maintient à deux mains, sur les plantes à fruits que l'on recouvre, sur le champ où l'on travaille. Corps en mouvement, corps au travail, corps au repos, corps qui observe. Il y a un mandala dans le jardin. C'est le temps de planter les patates et de cueillir les violettes. Il y a des pommes de terre dans le jardin, dans les sacs, dans les buttes, dans les mains, dégermées dans des cagettes. Mercredi, c'était activité pommes de terre. On dansait sur le champ, on faisait des tours de brouette. Il y a de la vie dans ce jardin. Ici, on ne fait pas de la permaculture, mais de la biodynamie. On suit le cycle de la lune. Il y a des trésors cachés dans ce puits, des jardins de toutes sortes, des édifices antiques. On est autour de la table en bois dehors. C'est notre lieu de pause. On se partage du fromage, du vin et des gaufres. Dans ces moments, l'apprentissage se confond avec le faire. Certains rapportent de leur formation institutionnelle un petit bagage à approfondir. D'autres sont des autodidactes convaincus. Tous apprennent ensemble, expérimentent sur le tas et sauvagement en établissant un déroutant turnover entre formateurs et apprentis. Les solutions aux énigmes de la matière se trouvent parfois dans la bouche du voisin qui passe ou dans le fragment d'un conte ancien. Ces savoir-faire prennent la forme de chantiers collectifs, de groupes informels de réflexion, d'associations hors cadre ou de réseaux décalés, généralement forcés de contourner les lois et règlements pour continuer leurs activités. Les gestes se répètent, affrontent l'erreur, engagent vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Le temps s'étire parfois au-delà du raisonnable et la finalité se perd un peu dans l'attention aux moyens et aux manières. Néanmoins, la joie et la confiance reviennent dans le plaisir de la tâche achevée. Ça ne vend pas, ça ne dure pas, ça ne veut rien dire, ça ne se traduit pas bien, ça ne vous rend pas riche, ça ne vous tient pas chaud la nuit, ça ne danse pas assez, ça ne fait pas danser ceux qui ne dansent pas, ça ne fait pas circuler le produit, ça ne guérit pas le cancer, ça ne guérit pas le sida, ça n'arrête pas le réchauffement climatique, ça ne recycle pas. Ça ne met pas en cause les présidents, ça ne stoppe pas la guerre. Ça ne donne pas d'abri aux réfugiés, ça ne donne pas de visa, ça ne réunit pas votre famille. Ça ne se remarque pas. Ça ne permet pas de s'envoyer en l'air. Ça ne vous permet pas de vous marier. Ça n'ouvre pas de galerie, ça ne plaît pas à vos parents. Ça n'a pas de sens d'aller dans le supérieur pour ça. Ça ne change rien si on va dans le supérieur pour ça. Ça ne paie pas le loyer, ça ne permet pas d'acheter une maison. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça. Ça n'est pas nécessairement difficile pour être bien. Ça ne vous dit pas que c'est bien. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Si tu vois quelque chose, dis quelque chose. Dis, dis, dis ce que tu veux. Mais ne jouez pas avec mon affect. Ça n'obtient pas le siège côté fenêtre. Ça ne donne pas de carte de métro. Ça ne fait pas disparaître vos rides. Ça ne fait pas disparaître votre acné, ça ne résout pas les problèmes de peau mixte. Ça ne met pas de côté, ça ne fait pas briller vos chaussures. Ça ne lèche pas vos bottes, ça ne fait pas briller vos chaussures. Ça n'est pas bien écrit, ça ne se souvient pas de soi. Ça n'est pas donné, ça n'arrive nulle part. Ça ne dit pas « je vous aime ». Ça ne dure pas longtemps, ça ne se termine pas assez tôt. Ça n'arrête pas de faire mal. Ça ne vieillit pas bien. Ça ne permet pas de dire « je suis désolée ». Ça ne stoppe pas un génocide, ça ne fait pas remonter le niveau de l'eau, ça ne donne pas une assurance maladie, ça ne stoppe pas la corruption, ça n'arrête pas les dictatures, ça ne reconstitue pas le pouvoir de la Constitution. Ça n'arrête pas les émeutes, ça ne déclenche pas les émeutes. Ça n'a pas de sponsor, ça n'a pas d'espace juste, ça n'a pas de financement adéquat, ça n'a pas le bon public, ça n'a pas le bon théâtre, ça ne reçoit pas la bonne réponse. Ça n'envoie pas de courrier électronique, ça ne remplit pas les stades, ça a l'air stupide sur YouTube. Ça ne vend pas de magazine, ça ne rapporte pas des millions, ça ne fait pas de café, ça ne parle pas aux gens, ça n'intègre pas les pauvres. Ça n'arrête pas les fusillades, ça ne souffle pas les baleines, ça ne loge pas les sans-abri, ça n'arrête pas les viols, ça n'arrête pas les... violences domestiques. Ça ne fait pas grandir. Ça ne fait pas bien sur un... mur. Ça ne se photographie pas bien. Ça ne garde pas vos cheveux en place. Ça ne fait pas le déjeuner. Ça n'a pas de carte de visite. Ça ne vend pas d'action. Ça ne tient pas dans votre iPhone. Ça n'a pas de chance. Ça n'aime pas les définitions. Ça n'empêche pas de se moquer des autres. Ça ne paie pas pour vos vols. Ça n'a pas l'air normal. Ça n'empêche pas de venir. Ça n'empêche pas de venir. Ça n'empêche pas de venir. Nous sommes en ébullition. Nous sommes étudiants, étudiantes, chercheuses, commissaires, critiques, danseuses, musiciens, musiciennes, plasticiens, plasticiennes, actrices d'une école, émues par une envie de produire et de partager. Nous sommes en ébullition. C'est pas pour peindre des fleurs sur le trottoir. C'est pour voir la dernière pièce de théâtre avec Adèle Haenel. C'est pas pour faire tape à l'œil. C'est pour aller voir le concert de Mansfield Dia à la Copée. C'est pas pour gagner des prix. C'est pour le verre qu'on prend entre deux courts-métrages. C'est pour l'attente au café, avec un livre de Virginie Despentes entre les mains. C'est pour celles et ceux qui aiment encore s'embrasser au cinéma. C'est pour aller danser dans un café associatif. C'est pas c'est pour quoi faire. C'est pas pour faire vitrine ou monument. C'est pas pour romancer la précarité. C'est pour les étudiants, étudiantes qui tentent de mettre fin à leur jour. C'est pour faire entendre nos voix. C'est pour être visible dans l'espace public. C'est pour manger à notre faim. C'est pour les gens qui meurent d'amour. C'est pour que nos libidos ne soient pas étouffés sous nos couettes. C'est pour nos boîtes de nuit, nos squats, nos lieux de rencontres clandestines. C'est pour se mouvoir librement. C'est pour les courbatures après une nuit de danse. C'est pour « Embrasse-moi, s'il te plaît ». C'est pas pour « Tu me fais peur ». C'est pas pour être payé en visibilité. Partir d'un endroit. On a beau faire du cidre en collectif, on ne s'y investit pas tous de la même façon. Il y a ceux qui suivent au jour le jour, saison après saison, qui préparent, anticipent. Il y a ceux qui sont là au moment où on en a besoin, qui rendent tout ça possible, qui amènent l'énergie, et il y en a qui viennent ponctuellement. Le mélange n'est pas toujours, voire jamais simple. Comment tu restes juste ? Qui peut donner les orientations ? Comment ça se partage ? À quel rythme on avance ? Ça discute souvent, des choses se clarifient, parfois. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde assume ses places différentes. La recherche de l'égalité, ici, n'aurait pas de... La recherche de l'égalité, ici, n'aurait pas de sens, comme n'aurait pas de sens une lutte contre la spécialisation, parce que c'est ça aussi qui fait vivre le truc et le rend intéressant. La question du politique a depuis des années une place importante dans nos vies, on pourrait même dire centrale. Puis, à un moment, tu ressens le besoin d'alimenter ta réflexion politique par quelque chose d'autre que le milieu militant. même si tu n'es jamais alimenté que par ça. À un moment, tu as envie de partir. À un moment, tu as envie de partir de quelque part, de regarder les choses depuis un certain angle, d'alimenter ta réflexion, ton action, ta rage, en partant de quelque chose qui n'est pas directement politique. Enfin, nous, on a eu besoin de ça, et ça a été le cidre. Avec les deux pieds dans les pommes, tu aimes les saisons, le temps qui change. Tu digères de moins en moins bien l'industrie du fruit et du légume, son exploitation des ouvriers, son massacre des terres cultivables. Et puis, il y a aussi l'industrie du loisir et du chacun pour soi. Tu ne supportes plus les chevaux qui se font monter deux fois par an et qui, dans notre coin, grignotent des hectares et même parfois suppriment de vieux vergers. Bourgeois ou prolos, ils font grimper le prix des terres et des maisons. Avec les vergers, tu croises des vieux, des jeunes, avec qui tu n'aurais jamais causé, qui rendent tes réflexions toujours un peu plus complexes. Et puis, tu vas voir ailleurs des cidriers, des vignerons, qui te racontent leurs histoires, leurs choix, leurs soucis. Il y a aussi la vente, d'autres rencontres, d'autres questions, mettre un prix sur tout ça. Pas facile d'endosser l'habit du vendeur, de choisir un prix, que ce soit le même pour ceux avec ou sans le sou, de rendre les choses présentables, mais que ça continue à te ressembler, de ne pas se fâcher avec tous les autres vendeurs sur le marché. Au fil du temps, on trouve des trucs, on rajoute des bouteilles, aux moins riches, on assume plus ce qu'on fait, comment et pourquoi. Vendre, c'est aussi parler du cidre, du jus de pomme, des arbres, de ce que tu trouves beau, de ce qui te fait enrager. D'autres questions surgissent. Comment on s'organise? Comment être juste avec les copains, avec les coups de main? Comment on fait circuler l'argent? Comment construire un outil qui aide les autres? Cette orientation autour d'une production marchande. Cette orientation autour d'une production marchande, même si elle n'est pas centrale, ne concerne pas que le cidre. Depuis quelque temps, avec les copains, nous avons réuni plusieurs activités dans un même lieu, avec l'idée que ça s'accompagne toujours de réflexions collectives pour ne pas s'enfermer dans une rationalité purement économique. Tout ça alimente ce que tu penses. Tu as l'impression de savoir encore plus pourquoi tu es là, pourquoi tu luttes. Voir un verger coupé, c'est un coup de sang pour lutter. T'es sous le micro et tu peux commencer quand tu veux. Ok, donc je vais lire un extrait de L'univers bactériel de Lynn Margulis et d'Orion Sagan qui a été publié en 1986. La première perception du microcosme fut l'hostilité. La peste, la lèpre et les maladies vénériennes pendant le Moyen-Âge obligèrent les clercs à reconnaître, au moins intuitivement, le phénomène de l'échange planétaire des gènes. Le mode de vie des bactéries a été décrit là où il constituait une menace pour la société humaine. La jeune intelligence humaine et le vieux microcosme planétaire ont commencé à se rencontrer autour de l'ancienne idée d'impureté ou de possession et des découvertes postérieures au Moyen-Âge de la propreté et des antibiotiques pour combattre la maladie. Louis Pasteur, 1822-1895, qui prouva l'origine microbienne de maladies dévastatrices comme l'anthrax du pied ou de la gorge, le piétin du bétail ou l'acidité du vin causée par des lactobacilles, donna le ton des relations dès le départ. Le contexte de la rencontre entre l'intelligence et les bactéries définit la médecine comme un terrain de conflit. Les bactéries étaient considérées comme des germes qui devaient être détruits. C'est seulement aujourd'hui que les hommes commencent à comprendre que les bactéries sont normales et nécessaires au corps humain et que la santé ne consiste pas à détruire des micro-organismes, mais bien à restaurer les communautés microbiennes appropriées. Les hommes commencent tout juste à apprécier le caractère bénéfique d'une infection, l'acquisition de caractéristiques souhaitées, largement exploitées dans le génie génétique. Les systèmes d'information des hommes commencent à peine à s'approcher, par leur étendue, de celui des bactéries, qui s'échangent des bits d'informations comme un réseau d'ordinateurs doté d'une mémoire alimentée au cours de milliards d'années de fonctionnement continu. À mesure que les hommes abandonneront un point de vue uniquement médical sur les microbes, ils les considéreront comme leurs ancêtres, leurs aînés planétaires. Leurs sentiments changeront également. Ils passeront de la peur et de la répugnance au respect et à l'intimidation. Les bactéries ont inventé la fermentation, la roue, le moteur rotatif protonique, la respiration sulfurée, la photosynthèse, la fixation de l'azote, bien longtemps avant l'apparition de l'humanité. Elles se comportent non seulement comme des êtres hautement socialisés, mais aussi comme une sorte de démocratie mondiale décentralisée. Les cellules restent fondamentalement disjointes et peuvent se connecter et échanger des gènes avec des organismes issus de contextes extrêmement différents. Prendre conscience que les humains demeurent eux aussi par nature séparés, mais qu'ils peuvent se relier et échanger des connaissances avec d'autres très différents d'eux-mêmes, pourrait leur faire faire un pas vers l'antique sagesse du microcosme. Et je m'arrête là. Merci. Et donc là, on est sur des coteaux qui sont des coteaux calcaires. C'est quoi des coteaux ? Alors les coteaux, le pré-relief. Là, en l'occurrence, c'est pas des montagnes, c'est du volcanisme. Mais ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, un bourdon. À l'époque du Crétacé, donc quand les monts du Jura se sont faits, à la fin des dinosaures, il y a eu 70 millions d'années, il y avait de la mer partout. Et il s'est déposé du sédiment calcaire. C'est ce qui reste un peu plus au sud d'ici, sur les Causses. Et tout ça, il faut bien considérer que c'est des déchets d'animaux. C'est des animaux marins, c'est des déchets de dinosaures, c'est des déchets de coquillages, etc., qui se sont calcifiés et qui ont déposé cette couche. Ici, on est sur une strate qui est entre deux éruptions volcaniques. Et c'est du Crétacé qui a remonté. Donc, ce calcaire, en fait, c'est très minéral. C'est des colonnes vertébrales d'animaux, c'est des coquilles de crustacés, etc. Donc ça a fait une terre qui est quand même très pauvre en matière organique et sur laquelle, ici, traditionnellement, on faisait de la vigne et du verger parce qu'il y a un effet de faune. Mais les arbres, ils étaient plantés dans des ronds où on mettait du fumier, etc. Mais ce n'était pas des terres agricoles. D'où les problématiques aujourd'hui de dire on veut faire des ceintures maraîchères partout. Mais on peut pas faire des ceintures maraîchères sur des endroits où ils ne poussent pas de légumes. De dire c'est bien, on va faire des trucs, on va pousser partout. Il faut... la terre, elle a besoin de ce calcaire qui va garder l'eau et qui est très riche en oligo-éléments ou des choses qui sont très minérales, mais il manque de la matière organique. Donc, dans l'agriculture, il y a un truc de base qu'on appelle le complexe... humus organique, donc il faut de l'humus et de la matière organique. Là, on va dire, si on prend le verre à moitié vide ou à moitié plein, on est... il faut que le patron y remette la sienne. Ça ne marche pas autrement. Donc, on rajoute du fumier et de la matière organique, donc du compost, des déchets, des épluchures, des choses qui vont se décomposer. Sachant que on a toujours tendance à mettre trop d'azote. L'azote, après, il va saturer le sol, il va brûler. C'est comme la merde de poule, c'est très riche, mais c'est trop. Donc, il faut aussi mettre de la paille, il faut mettre du carbone et de la cellulose. Ensuite, quand cette matière elle va se dégrader, il va apparaître du mycélium, donc il va y avoir des champignons qui vont pousser partout. Et le premier organisme qui va déliter le carbone et la cellulose, c'est le mycélium, les champignons. Ces champignons, ils vont permettre l'apparition de bactéries qui vont faire que ces bactéries, elles sont là pour nourrir les vers de terre et alléger la terre, etc. Et là, tout ça se remet en route. Donc nous, depuis des années, ce qu'on fait, c'est que sur ce calcaire, qui est quand même relativement étanche et qui garde l'eau, c'est l'atout du truc, on mélange, on met de la paille, du fumier, de la matière organique, des déchets, de la tonte, de l'azote, mais aussi du carbone. Alors ça met longtemps parce que le carbone, c'est... ça par exemple, c'est du carbone. Ça, c'est de l'azote. Plus une matière est verte, plus elle est azotée, plus elle se délite vite et elle met de l'azote dans la terre. Le carbone, c'est quand même la structure de nos os, on en a besoin. Mais ça se délite beaucoup moins vite que l'azote. L'idée, c'est de réussir à trouver un équilibre où les choses vont se déliter un peu conjointement. Se dégrader, ouais, c'est la même chose. Mais après, tout ça, c'est très empirique. Enfin, on ne sait pas exactement. Donc, ça se passe au fur et à mesure. On le voit en fouillant dans la terre, quand on voit apparaître différents insectes et tout, on se dit, tiens, là, il y a de la vie qui repart. Voilà. Mais ça, c'est important. Après, il y a la question du relief aussi. C'est-à-dire que là, on est face à une pente qui supporte un verger ou de la vigne, mais des cultures qui ont besoin d'être arrosées quotidiennement, c'est compliqué. Donc, il faut terrasser. Et on revient, nous, on essaye de retrouver les courbes de niveau où, à l'époque, les gens faisaient ce qu'on appelle des paillas, c'est-à-dire, on fait de la pierre sèche. Là, il n'y a pas de chaux, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien du tout, c'est juste des pierres empilées. Donc, il y a une technique bien précise pour le faire. Et ça veut dire que ça draine l'eau. Elle passe quand même, on ne reste pas dans un truc qui va devenir un marécage. Mm-hmm. L'eau s'évacue, mais l'eau peut rester. Et quand il pleut, il n'y a pas de ruissellement qui va éroder tout ce qui se dépose au fur et à mesure sur la terre. Donc, esthétiquement et de façon pratique, on retrouve des courbes de niveau. On le voit bien là, là il y a un petit mur. Mm-hmm. Mais après, on voit cette espèce de talus, quand on a dégagé, ça existait déjà. C'est-à-dire qu'il y a eu du dépôt, il y a eu de l'érosion, il y a eu des trucs qui ont fait que ce n'était plus tout à fait plat. Mais depuis des siècles, les gens cultivaient à peu près sur ces parcelles-là, sur des niveaux comme ça, tous les 2-3 mètres, ils refaisaient un truc plat. Tourne et que le soleil éclaire la terre. Oiseaux, insectes et bêtes sauvages, feuillage, herbe, fleurs. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Que vienne le printemps, l'été, l'automne avant l'hiver. Oiseaux, insectes et bêtes sauvages, bêtes sauvages. Feuillage, herbe, fleurs. Que vienne le printemps, l'été, quoi, l'automne avant l'hiver. Tu connais cette chanson et tu sais que la chanter? Oui, je connais. L'été, l'automne avant l'hiver. Tourne sans fin, moulin à eau, tourne. De passer lointain, m'entends-tu? Reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu. Reviens et donne-moi mon pauvre cœur perdu. Oiseau, insecte. Des bêtes sauvages, feuillage, herbe, fleurs, nourrissent la clémence des hommes et leur courage. Si j'apprends que tu m'attends, je reviendrai sur le champ. Ça, ça, c'est Simon.